partir loin. 1, 2, 3, 4. rester en 13 alors. Moi je suis perdu là. Toi, Zing. Thank you. Bobo. We'll be right back. On peut la toute.